capon du blabla. Pendant qu'on se mord les doigts, l'écologie a des ennuis. Puis assis dans perspective, on promet aux écolos des bons jours pour mon sang. La politique est de sa mère, nous annonce la nouvelle.